Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se sent? Perdu la tête, ouvre le chemin de ma mère. Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Oh, pour d'autres femmes. Elle deja de ser mujer, pour eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditeurs. Alors nous revoilà pour un autre épisode des minorités au travail. Et aujourd'hui je suis avec Gaëlle, que je laisse se présenter un peu plus amplement. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 36 ans maintenant. Je suis une femme, je suis en parcours de transition depuis bientôt un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis blanche, j'habite à Bordeaux depuis plus de 10 ans. J'ai un chat qui s'appelle Emma, qui est merveilleusement insupportable mais sympathique quand même. Et sinon, ma vie se résume souvent à lire des bouquins, militer et allumer des fumigènes. Okay. Quel genre de bouquin? Majoritairement quand même des essais politiques ou des lectures militantes. Et quand j'en ai marre, quand même des fois, quelques romans lesbiens. Et est-ce que tu peux nous dire du coup dans quoi tu travailles et depuis combien de temps? Est-ce que c'est ton premier emploi? Et si c'est ok, quels étaient tes autres emplois ou ta formation avant ça? Alors j'ai fait une formation d'informatique. Donc j'ai passé un master d'informatique il y a quand même quelques temps maintenant. Je ne saurais plus dire quand est-ce que j'ai arrêté. Enfin, quand est-ce que j'ai passé mon master en fait, mais c'était... On va dire 15 ans, c'est plus simple. Suite à l'obtention de mon diplôme, je suis arrivé à Bordeaux pour un premier taf, qui était un taf d'informatique dans le milieu bancaire. Je suis parti assez vite. Suite à ça, j'ai taffé pareil dans l'informatique pour Électricité et Réseau de France. Je ne sais même plus si ça s'appelle encore comme ça, peu importe. C'était tout aussi chiant. Et maintenant, depuis 2010, je fais de l'informatique. Donc ça, c'est la partie boulot. C'était quoi la suite de la question? Enfin, ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans, dans ce taf? Ça va faire 12 ans. Là, dans quelques mois, ça va faire 12 ans que je suis dans la même boîte. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es senti justement... en minorité dans ton travail, et comment ça a évolué, on va dire. Alors faut savoir quand même que je travaille là-bas depuis 12 ans et j'ai effectué un parcours de transition depuis 2 ans et demi, donc ça veut dire que j'ai passé un certain nombre d'années sans être identifié comme catégorie minorisée ou discriminée. En dehors de mes opinions politiques qui sont très, très clairement de l'ordre de l'anarchisme et du communisme libertaire, mais ça, la seule discrimination que j'aurais pu subir, ça aurait pu être une discrimination syndicale, mais je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Depuis mon coming out que j'ai fait il n'y a pas très longtemps quand même, j'ai eu la chance de ne pas encore subir de discrimination claire, avérée et avouée. Alors, c'est un petit peu comme d'habitude quand on fait un coming out, il y a plusieurs typologies de réactions. Il y a la réaction corporate d'une grosse entreprise qui est « favorisons la diversité, nous on aime tout le monde, blablabla ». En vrai, tant que je suis protégé légalement par mes ressources humaines ou ce genre de truc, moi je m'en fiche du discours du pinkwashing ou ce genre de truc. Si ça peut m'arranger, tant mieux quoi. Et après, en gros, j'ai eu 3 types de réactions. Les réactions d'indifférence de personnes interloquées et une infime minorité de personnes qui m'ont dit que c'était évident en fait. Bon, comme d'hab, ça, mais c'est vrai pour tous les coming out en fait. Peu importe où, le milieu dans lequel tu le fais, t'auras toujours une petite infime partie de personnes qui vont te dire ouais, mais j'avais remarqué des trucs quand même, donc c'était un peu évident. Ah, ok. Mm-hmm. T'aurais pas pu me le dire plus tôt, genre on aurait pu discuter, donc c'est pas grave. Donc. Aujourd'hui, de la transphobie, j'en subis pas mon taf. Et c'est vrai que c'est quand même agréable. Enfin, je veux dire, personne ne rêve de subir des discriminations à son travail. Je suppose que c'est quand même mieux quand ça se passe bien. Après, on sent, enfin, je sens clairement tout de suite des gens qui se comportent différemment avec toi. Je veux dire, il y avait l'avant coming out et il y a l'après. Et ouais, t'empêcheras jamais des gens de te regarder un peu bizarrement, genre qu'est-ce que c'est que cette personne, c'est une bête de foire, comment je dois faire. Des personnes qui t'ignorent complètement, voilà, c'est il y en a quelques-unes qui fonctionnent comme ça. Tant que je subis pas de remarques ou de propos qui me dérangent, voilà, je suis là pour travailler, je suis pas là pour être ami avec des personnes qui m'ignorent entre guillemets, donc c'est pas tellement un problème. J'étais agréablement surprise de recevoir du soutien de mes ressources humaines, ce qui est quand même cool. C'est un petit peu délicat quand t'envoies un mail pour dire alors bonjour, voilà, vous me connaissez comme ça depuis maintenant presque 10 ans, mais en fait je m'appelle comme ça, je fais un parcours de transition et bah du coup est-ce qu'on peut en parler. Quand t'appuies sur le bouton envoyer, ok, il y a deux options, c'est je reçois un mail très sympa ou je reçois un mail pas sympa. Donc t'attends, et l'attente est un peu angoissante, et une fois que tu reçois le mail, si le mail est sympa, je fais c'est bon, on va pouvoir commencer à discuter. Donc voilà, je dirais que ça se passe plutôt bien et que c'est quand même très agréable. Okay. Et du coup, vis-à-vis de... Donc ça c'est côté ressources humaines, ensuite... Comment t'as présenté les choses tout aussi simplement? T'es allé voir direct ta hiérarchie ou tu l'as dit à tous tes collègues? Enfin, comment est-ce que t'as pu... En fait, j'avais demandé des conseils à une amie quelques temps avant. Et j'ai un peu suivi sa méthode qui était tu veux faire un coming out à ton taf, commence par les ressources humaines. Parce que de toute façon, si les ressources humaines ne te soutiennent pas, derrière, personne ne te soutiendra. Donc... autant avoir une roue de secours ressources humaines, le jour où t'as une merde, au moins tu peux te retourner vers les RH et dire « il m'est arrivé ça, fais quelque chose ». Ils feront sûrement rien, mais ils feront peut-être quelque chose. Donc, j'ai déjà commencé par ça. Après, avec mes RH, on a fait tout un espèce de planning, entre guillemets, de « ok, j'en parle d'abord à mon chef, ensuite j'en parle au chef de mon chef, ensuite j'en parle au chef de mon chef de mon chef ». Pour arriver, en fait, l'étape d'après, c'était le coming out auprès de mes collègues avec qui je travaille au quotidien. Où là, c'était plus de l'ordre du convivial. On a fait une espèce de blague, enfin, en accord avec mon chef qui était d'accord avec l'idée, et moi je trouvais ça marrant. On a fait un faux pot de départ et pot d'arrivée. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait croire à toute l'équipe qu'il allait y avoir un pot de départ puis un pot d'arrivée le même jour, et tout le monde s'est demandé mais qui c'est. Et au moment où je prends la parole, je dis bah en fait c'est moi, je m'en vais et je repars, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, la personne que vous avez connue est partie, et maintenant maintenant vous m'appelez comme ça et c'est moi. Tout le monde était assez content de la manière de le faire, et puis voilà. Et puis après, c'était ma manière aussi de le faire, mais il y avait un vrai côté dédramatisation de la chose où je leur expliquais que. Ça ne change rien à comment je travaille, ça ne change rien à la qualité de mon travail, ça ne change rien à comment je vais bosser avec vous ou pas. Plutôt bosser avec vous, parce que vous bossez ou pas, c'est pas très sympa, mais l'idée c'était vraiment de faire passer ça comme une annonce lambda, comme ton collègue qui dit je vais me marier, ok super. Ou ta collègue qui dit je vais avoir un enfant, ok super. Voilà, l'idée c'était ça, c'était d'amener le sujet. Comme un sujet banal d'un changement de vie dans une vie perso. C'est-à-dire, quelque chose arrive dans ma vie perso, ça a une incidence sur le professionnel, je vous donne l'info, j'ai l'info comme une autre. Et pas quelque chose de dramatique ou de merveilleux, etc. Le dramatique et le merveilleux, je le garde pour moi. Voilà. Okay. Et c'est pas un travail où tu es aussi en contact avec des personnes extérieures, genre des clientes ou bien des, je sais pas, des partenaires avec qui justement il peut aussi y avoir la question. La majeure partie du temps, non. En fait, je ne côtoie pas de, il y a pas, enfin, je suis pas à l'accueil, je n'accueille pas des gens, des clients, des clientes, etc. Ça peut arriver des fois qu'on entre en contact avec des sociétés partenaires. Tu vois, genre, on a besoin d'un produit bien spécifique dans le milieu de l'informatique, on fait appel à un partenaire qui va nous l'installer, quoi. Et en fait, c'est simple, on envoie une invitation. Globalement, les réunions se font en visio, et c'est-à-dire qu'ils viennent pas. On envoie une invitation, les gens ils voient mon prénom, ils voient Gaël, ils font OK, bonjour Gaël, quoi. Ils n'ont pas de questions à se poser. Parce qu'en fait, on a fait en sorte avec la RH que, une fois que le coming out était fait à tous mes collègues, que toute mon identité, partout dans les outils administratifs de l'entreprise, change comme ça, en instant, dans l'heure, quoi. Donc, mon DNA a été effacé dans l'heure qui a suivi, et Gaël était affiché absolument partout. Après, de l'image qu'on peut se faire de tout ce qui est informatique, tout ça, c'est quand même un milieu aussi très masculin. Et du coup, même si tu vis pas dans ce que tu dis de transmisogynie, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de sexisme aussi ? Est-ce que t'es la seule femme de ton taf ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que, enfin voilà. Quel... Ouais. Alors là, je parlais surtout de ma situation individuelle, de voilà comment ça s'est passé pour moi. Maintenant, clairement, l'informatique, c'est je crois que dans ma direction, il doit y avoir quelque chose comme 90% de mecs. Je pense pouvoir dire au moins 95% de blancs et de blanches. Donc, clairement, les remarques habituelles de tel ou tel mec qui font des commentaires sur la tenue d'une meuf qui passe dans le couloir, enfin, oui, ça arrive tout le temps. Plus les années passent, moins ça arrive, parce que moins c'est toléré et plus globalement les gens ouvrent leur gueule quand ça arrive. Donc ça tend à aller un petit peu vers le mieux, mais ça existe toujours, clairement, et c'est un fait avéré. C'est pareil pour le racisme, hein. les remarques racistes, c'est la même chose. L'informatique est un milieu majoritairement blanc, donc c'est quelque chose qui est communément admis, sur lesquels moi, à titre individuel, je me bats, c'est-à-dire que je reprends n'importe quelle remarque qui pue dès que je l'entends. Mais comme d'habitude, j'ai pas une grande foi en les petits gestes du quotidien individuel pour changer les choses. Moi, je pense clairement, généralement, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je préviens le syndicat. Pas mon syndicat, parce que mon syndicat n'est pas présent dans mon entreprise, mais le syndicat représentatif du coin. Je leur dis, voilà, c'est passé ça, c'est au moins la dixième fois que tel mec fait un commentaire de merde sur une meuf qui, soi-disant, serait mal lunée parce qu'elle a ses règles, la fameuse blague super très très drôle. À un moment, ça suffit, quoi. Donc, moi, le mec, je lui dis. Et j'ai pas attendu mon coming out et ma transition pour lui dire. C'est quelque chose que je faisais déjà avant. Mais ma démarche, c'est plus de, en plus de lui dire, je vais aller voir le syndicat. Okay. Et je suis pas sûr que ça ait des conséquences. Je suis pas sûr que ça porte ses fruits. Mais au moins, je sais que le syndicat est au courant. Et clairement, si à un moment la meuf va voir son représentant du personnel, le syndicat pourra dire oui, oui. On est au courant et on fera remonter, quoi. Okay. Histoire que la meuf n'arrive pas dans un espace où le syndicaliste va lui dire « Ah bon ? Ah bon, il y a du sexisme ? Oh, je suis pas au courant, vraiment, personne ne m'avait rien dit. » Voilà. Ok, et donc ça, c'est aussi pour tout ce qui est, on va dire, sexisme ordinaire, les phrases, etc. Mais est-ce que d'un point de vue structurel aussi, t'as l'impression que, par exemple, c'est plus bloqué pour toi et pour les autres femmes ou minorités de genre au sens large, d'accéder, ou même minorités au sens large, vraiment, enfin, qu'il y a moins de promotion, moins d'avancée de carrière, etc. Enfin, c'est quelque chose que tu vois, que tu vis vraiment. C'est quelque chose qui, ouais, c'est clairement quelque chose qui est, qui est visible globalement à tous les échelons, en fait. C'est ça le pire, c'est que à l'échelon entre guillemets le plus bas, tu vas avoir la majorité de meufs, comme d'hab. C'est à l'échelon le plus bas où les demandes d'augmentation de salaire sont les plus souvent refusées. Plus tu montes dans la hiérarchie, moins il y a de meufs. Enfin, plus y a, globalement, plus il y a de mecs, en fait. Et plus tu apprends après par des discussions entre syndicalistes ou avec les comptes rendus du comité d'entreprise que eux, s'augmenter eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Quoi. S'ils peuvent s'augmenter de 1000 balles par mois, comme ça, là, en claquant d'un doigt, pas de souci. Pendant que toi, on vient de voir pour te dire « Ah, une augmentation, non, c'est compliqué. Non, non, oui, je sais, l'inflation, oui, mais non, mais c'est, non cette année, c'est compliqué. » Il n'y a pas d'autre justification que ça à amener pour refuser une augmentation enfin, y a pas... La justification est la même que partout, c'est-à-dire il faut faire des économies. Il faut faire des économies. Voilà. Donc, au bout d'un moment, tu commences à avoir l'habitude, quand tu entends ce mot, de dire « Ok, ça veut dire que je vais devoir bosser plus et que je serai payé pareil. Payer moins, ils n'ont pas le droit. S'ils avaient le droit, ils le feraient. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. S'ils avaient le droit de baisser les salaires des gens, ils le feraient sans hésiter. Mais ils ont pas le droit. La loi française interdit ça. Donc, ils te demandent de bosser plus, ils n'embauchent pas, et tu as le même salaire à la fin. Ça, c'est vraiment pour les... Voilà, pour les métiers de sous-qualifiés jusqu'à moyennement qualifiés. Et les promotions, c'est pareil. Enfin, à un moment, le plafond de verre est évident et le truc que les militantes féministes répètent depuis des années existe de fait. C'est à partir d'un certain niveau de management, il n'y a plus que des mecs. C'est fini. Les meufs ont disparu. Oui, il y a aussi... alors justement, je ne sais pas s'il y a aussi c'est des arguments que toi, dont toi, tu as été témoin, mais moi, j'ai déjà vu justement dans mes expériences vraiment le truc dit de « bah oui, mais c'est pas possible parce que vous avez pas... » Enfin, entre les congés maternité, blablabla, vous avez moins travaillé, moins, ce qui est normalement, je crois, illégal quand même, enfin, mais qui, ou qui est du coup détourné, présenté autrement, mais qui effectivement genre, est très présent dans le sens où bah, c'est les hommes... En tout cas, on met en avant le fait que les hommes, ils ont toujours eu... cette présence-là, quoi. Est-ce que, juste pour revenir rapidement sur le coming out, est-ce que du coup ça a changé aussi ton rapport à tes collègues dans le sens où, par exemple, tu t'es permise genre, plus de proximité avec elles pour parler de choses personnelles? Parce que, je sais pas, j'imagine que quand t'es pas out, bah, y a moins de trucs de ta vie perso que tu peux raconter aussi. Donc, est-ce que ça a changé ton rapport juste social au travail? Moi, la chose que j'ai remarquée après mon coming out, c'est que je sais pas comment expliquer le truc, mais on se fait globalement, nous les personnes trans, on se fait une image de la personne transphobe. C'est-à-dire, on imagine la personne transphobe, et globalement, quand on l'imagine comme c'est comme ça, je sais pas, comme une personne qui a une conviction politique et une militance de la transphobie. Souvent d'ailleurs, on imagine que c'est une féministe, sans aucune autre forme de procès. Dans les faits, les personnes les plus transphobes sont globalement les mecs, quand même, il faut le rappeler. Et moi, le truc que j'ai constaté juste après mon coming out, c'est clairement là où j'ai été les personnes qui ont le mieux accueilli mon coming out et qui ont été les premières à venir me voir pour me dire que si j'avais besoin de parler. Si j'avais besoin d'aller boire un coup après le taf, si je voulais prendre un café, etc., c'était les meufs, clairement. Enfin, les mecs, ils sont après. On sait globalement que les mecs, en matière d'expression des émotions, c'est compliqué, alors de soutien émotionnel, on n'en parlera pas, quoi. C'est, voilà, ils ne savent pas faire, c'est comme ça. ils vivent dans une société patriarcale eux aussi, on leur a appris à fonctionner comme ça. Bon, soit. Mais clairement, ça, c'était une bonne surprise. Et ce que les meufs m'ont dit aussi, c'est ce côté... Enfin, il y a une collègue avec qui j'ai pas mal parlé qui me disait « Mais moi, pendant des années, je te voyais passer dans le couloir, je te voyais discuter avec personne, je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, que t'avais un côté vraiment très dans ton coin, timide, voilà, à donner le moins d'infos possible sur ta vie privée. Et clairement... Je sais pas si c'est le coming out qui a permis cette discussion, tu vois. Mais en tout cas, c'est un fait. C'est après mon coming out, la discussion s'est faite sur, bah voilà, pourquoi pendant des années j'étais dans mon coin au boulot à ne jamais parler du perso. Okay. Et du coup, maintenant, tu t'autorises un peu plus à en parler ou pas nécessairement? Alors, quand j'ai fait mon coming out, j'ai bien précisé que, comme je n'aimais pas qu'on me pose des questions sur le temps médical de ma transition, j'allais pas en parler non plus. C'est-à-dire que si j'avais des galères de super, mon endoc m'a laissé en plan, je n'ai absolument plus aucune solution de suivi de traitement hormonal, je vais pas en parler à mes collègues. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent? Et surtout, j'ai un tissu relationnel plus proche que mes collègues de travail pour en discuter et soit servir de soutien émotionnel, soit trouver des solutions. Mes collègues, les pauvres, ils ne savent pas ce que c'est. Ils découvrent ça avec moi. Je suis pas la seule personne trans de mon entreprise, mais je suis la seule personne trans sur le site où je travaille. Donc pour Elio, c'est un monde qui s'ouvre. Mais ah bon? Mais c'est possible! Mais j'en ai entendu parler à la télé, mais en fait, ça existe vraiment! Ouais. Oui. Bonjour, c'est moi. Donc, oui, ça peut m'arriver de parler du perso, mais ce sera pas lié à tout ce qui est transition, parce que c'est quelque chose que je garde vraiment pour moi et mon cercle proche. Quoi. Et sur les engagements politiques, parce que du coup tu t'es présenté comme aussi anarchiste, révolutionnaire, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es out au travail? Tu en as déjà parlé ou on t'a déjà, je sais pas, découverte un peu trop anarchiste? Comment dire? Je pense que c'est évident. Mais je ne suis jamais venu au travail avec une pancarte disant « Bonjour, je suis anarchiste ». Ce qui semblait un peu étrange. Après, ça m'est quand même arrivé régulièrement avec des... Notamment des t-shirts qui ne laissaient peu de place au doute. Je suis de tous les mouvements de grève que ma boîte ait pu faire et de tous les piquets de grève que ma boîte ait pu faire. Et dès qu'il y a un piquet de grève, clairement... Mes collègues voient bien quels autocollants de quel syndicat je colle un peu partout. Donc, si mes collègues ont un minimum de connaissances politiques, ils savent très bien quelles sont mes convictions. Quand on discute en dehors du champ syndical de mes opinions sur le travail, le salariat, le capitalisme, le patriarcat, le racisme, etc., je pense qu'ils ont très bien compris. Maintenant, non, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'était quoi le... Oui, c'est ça, c'est si en fait on savait, on te pose pas de questions là-dessus et du coup c'était là bien avant ta transition aussi. Donc est-ce que t'as l'impression que, enfin, il y avait un lien entre les deux aussi, genre quand pas de ta transition, mais enfin que les personnes vont faire des liens ou que toi, enfin, tu t'es devenue encore plus militante aussi et sensible aussi au vécu des autres personnes minorisées, etc. Parce que tu avais déjà cet engagement militant ou... Alors moi, clairement, oui. Mes convictions politiques n'étaient pas une condition à ma transition, puisque ça ne sonne pas comme ça, puisqu'encore une fois, on le répétera pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas, être trans n'est pas un choix. Voilà, on répète, ce n'est pas un choix. Merci. Après, clairement, la sensibilité politique de d'avoir le regard fin sur bien constater que là il y a quelque chose qui va pas en matière de discrimination et d'oppression, oui, je l'avais déjà avant et je l'ai toujours. Je pense qu'il y a des collègues, ça les fait chier. Des fois, parce que clairement, je laisse pas passer grand chose. Donc, Ah, mais oui, c'est juste une blague. Non, ce n'est pas une blague. Toujours pas. Je pense qu'il y en a, ça les fait chier, mais au fond. Ça prend pas énormément de place à mon travail. Donc. Ils me laissent bosser, je les laisse bosser. Tu vois, c'est un peu un entre-deux où tout le monde se fout plus ou moins la paix, quoi. Ok, mais c'est pas ça qui t'a justement aidé aussi un peu à savoir comment ça allait se passer et à te rapprocher des RH, enfin, connaître un peu le droit du travail aussi. Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes trans aussi qui me disent que genre, c'est impossible de s'outer parce que, elles vont se faire virer, des choses comme ça, enfin, genre des choses qui sont totalement illégales et en fait c'est très dur de savoir si on peut se protéger donc ouais alors je m'estime totalement privilégié durant mon coming out, c'est clairement je souhaite à toutes les personnes trans de vivre un coming out au taf comme je l'ai vécu parce que je n'ai pas eu de problème et je me bats au quotidien dans mon syndicat et dans les endroits où je milite pour que ce soit un problème nulle part ailleurs mais moi la stratégie que j'ai optée c'est en fait, j'avais plus ou moins deux manières d'annoncer la chose. Il y avait la manière pas politisée d'annoncer bonjour, je suis trans, je m'appelle Gaël. Ou il y avait la manière très politisée. Et à un moment, je me suis posé la question basique et la réponse était encore plus rapide quand je me la suis posée à moi-même. C'est ok, si j'écris un mail à ma RH pour dire bonjour. Voilà, à partir de maintenant, je tiens à vous expliquer que j'effectue une transition de classe de sexe pour aller vers la classe des femmes avec déclassement, etc. Genre, je crois que ma RH l'a fait. Quoi ? Donc j'ai utilisé les mots simples qu'on n'aime pas utiliser généralement quand on est trans, mais que pour parler au commun des mortels, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est « Oui, bonjour, alors voilà, après beaucoup d'années d'errement, j'ai effectué un parcours de transition, je m'appelle Gaël, nana. » Voilà, c'est tout. Toutes les explications politiques qui peuvent y avoir sur les notions de classe de genre, classe de sexe, transition, changement de classe, ça, je ne l'ai pas fait parce que sinon je les perdais, quoi, c'était fini. Et je ne sais pas si ça a aidé à ce que les RH ou mes collègues comprennent et se disent oh, « Ok, très bien, soit. » Mais je pense que... aller dans l'autre sens et donner une explication politique aurait clairement pas aidé, mais vraiment pas du tout. Quoi. Peut-être ça t'a aidé aussi dans le fait de te sentir capable d'y aller aussi D'avoir le background politique De savoir que justement, normalement, le droit était censé être de ton côté et que c'était un instrument que tu pouvais utiliser pour te retourner contre tes employeuses. C'est sûr que quand on connaît les numéros des articles et le titre des articles de loi qui te protègent en cas de discrimination liée au sexe ou au genre au travail, oui. Je l'ai pas utilisé cette carte, mais clairement quand tu connais les numéros d'articles et que tu sais que tu peux sortir cette carte-là, ouais, t'es plus serein ou sereine quand y vas, quoi. Et après, encore une fois, je pense que ça. En plus de d'avoir la sérénité de pouvoir le faire, il y a aussi clairement un nombre incroyable d'endroits où les RH sont pas formés sur ces questions, ou même formés des fois ils s'en foutent et ils appliquent quand même de la discrimination parce que pourquoi pas, on peut être très bien formé à l'égalité partout et pourtant dire non, voilà. Donc. Je sais pas comment dire, mais c'est pas un combat que moi j'ai eu à mener pour mon cas bien perso, mais je sais que c'est une galère pour si ma mémoire est bonne sur les statistiques, 2/3 des personnes trans, quoi. Et justement, est-ce que dans le cadre de tes engagements militants, tu as été amené à accompagner d'autres personnes minorisées sur leur lieu de travail, enfin pas sur leur lieu de travail, mais dans leur enfin, en gros, à se défendre des discriminations et violences qu'elles subissaient dans leur espace de travail. Ouais, alors clairement, personne trans à part, parce que contrairement à ce que pensent nos amis les transphobes, on représente que 0,1% de la population. Donc, on va pas avoir des personnes trans qui vont pousser la porte de notre syndicat tous les jours. Statistiquement, ce serait compliqué, en fait. C'est juste une statistique basique. Mais après, enfin, pour être complètement honnête, les quelques permanences syndicales que je peux faire, l'écrasante majorité des personnes qui passent la porte du syndicat, c'est des meufs, et très souvent racisées en fait, qui subissent la double discrimination, mais enfin, c'est quotidien. C'est quotidien. Et on a un problème dans ce pays qui est la reconnaissance du harcèlement au travail est très compliquée à obtenir en fait. Ce sont des procédures qui sont ultra longues. Il faut que les avocats soient ultra bien formés. Il faut que les personnes qui acceptent de partir dans des démarches de « Ok, j'ai subi du harcèlement à mon taf, soit parce que je suis une meuf, soit parce que je suis racisée, soit les deux. » Et la démarche de porter plainte et clairement se taper 2 ans ou 3 ans de procédure judiciaire pour des fois arriver à rien. C'est-à-dire, le tribunal dit non, non, je sais, vraiment, aucun souci, on n'a rien vu, c'est bon, continuez. Donc, ouais, c'est. Enfin, vraiment, j'en vois tous les jours. Enfin, tous les jours, toutes les semaines, parce qu'on ne fait pas de permanence syndicale tous les jours. Mais le quotidien de mon syndicat et de moi quand j'en fais, c'est vraiment, oui, majoritairement des meufs et des meufs racisées. Ouais. Et du coup, oui, il y a ce truc de perte de temps, d'énergie. Et du coup, c'est vrai aussi que ça coûte... Enfin, il y a un vrai risque financier. C'est quelque chose qui se vérifie vraiment au quotidien, quoi. Ouais. Alors, il y a une chance qui est une malchance, mais qui est une chance quand même dans les procédures de harcèlement au travail. C'est que, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas du civil, c'est du pénal. Donc, si jamais tu perds ton procès en première instance et que tu veux faire appel, l'appel est suspensif de toute histoire de « Ok, mais par contre, si vous voulez faire appel, il faut cracher 3 000 €, 4 000 € ou 5 000 € pour rembourser les frais d'avocat ou les frais de justice de la partie qui a gagné. » Ce qui n'est pas vrai au civil. Au civil, tu attaques quelqu'un ou une personne t'attaque en justice. Si tu perds et que tu dois de la thune mais que tu veux faire appel, avant de pouvoir faire appel, il faut rembourser, il faut filer la thune. Super, génial. Je sais plus où je voulais en venir. Oui, du coup, ma question c'était si ça coûte vraiment des sous. Mais du coup, t'étais partie sur le pénal. Ouais, pardon. Alors, oui, ça coûte des sous. Modulo quand même pour une grosse partie de la population qui ne le sait pas, beaucoup de personnes peuvent avoir accès à l'aide juridictionnelle. Ça couvre pas forcément tout, mais globalement quand même ça couvre une bonne partie des frais justice, avocat et compagnie. Et si vous faites appel à un syndicat qui a assez de thunes, le syndicat peut aussi à un moment c'est aussi le but d'un syndicat, c'est un syndicat qui est pété thunes peut avancer l'argent en cas de procédure judiciaire, quoi. Okay. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de mon syndicat. Mais bon. C'est un syndicat de pauvres. Et bon, du coup, tu disais qu'il y avait beaucoup de meufs racisées qui venaient, du coup, qui poussaient la porte. Mais c'est des personnes qui ont entendu comment parler de ce syndicat, comment c'est que c'est quand même assez connu et que les infos sont quand même venues jusqu'à elles. Je sais pas, moi, dans mon imaginaire, j'imaginais plutôt que ça allait être justement des mecs, encore une fois, des mecs blancs qui allaient plus avoir ce genre d'informations pour pouvoir ensuite se défendre. Donc. Alors, on n'a pas vraiment la réponse à la question. À chaque fois qu'on demande comment vous nous avez trouvé, les personnes répondent sur Internet. Donc on doit être super bien référencé sur les moteurs de recherche, ça doit être un truc de dingue. C'est aussi, je pense globalement, qu'on a un numéro de téléphone portable où on peut nous appeler un peu n'importe quand et on va répondre. Souvent, je ne crache pas sur les grosses centrales syndicales, mais des fois, les grosses centrales syndicales, il y a un numéro, t'as un créneau d'appel, si t'appelles en dehors du créneau, ok, revenez la semaine prochaine. T'as même des grosses centrales syndicales qui font payer le conseil syndical. C'est-à-dire que tu vas les voir, ils te disent, ok, très bien, on va vous aider, mais d'abord, lâchez 20 balles. Nous, c'est gratos. Ça veut pas dire qu'il y a plus de monde qui vient. Ça veut juste dire que la porte du syndicat est plus facilement franchie. Donc je pense que les personnes, en fait, elles font 2-3 recherches sur Google, elles voient le nom de notre syndicat, elles voient le numéro, elles appellent. On leur dit, vous pouvez passer en permanence tel jour, il y aura forcément quelqu'un et ce sera gratos, et vous pourrez même boire le café. Oui. Si l'accueil est chaleureux, les gens viennent, en fait. Et c'est aussi une réalité, c'est la majeure partie des personnes qui viennent nous voir sont dans des secteurs d'activité où le syndicalisme standard n'existe pas. C'est-à-dire que CGT, restauration, ça n'existe pas. Ça existe peut-être, en fait, j'en sais rien, mais en gros, c'est des secteurs où tu peux pas te retourner vers un collègue syndicaliste qui est encarté dans je sais pas quel syndicat depuis des années et qui peut négocier avec ton patron. Donc ils viennent nous voir, nous. Et vous proposez, du coup, c'est des accompagnements sur le long terme ou c'est juste sur... c'est ponctuel ou est-ce que vous avez aussi vraiment des ressources comme des contacts, avocates, etc. pour aider un peu plus que juste les premières infos de base, quoi? Ouais, on a des contacts d'avocats, de conseillers du salarié. Ce qui est, en gros, un conseiller ou une conseillère du salarié, c'est t'es convoqué à un entretien en vue d'un licenciement par ton patron ou ta patronne, peu importe. T'as le droit d'y aller seul, mais c'est totalement déconseillé d'y aller seul. Et en fait, les mairies sont obligées de mettre à disposition une liste de ce qu'ils appellent conseiller du salarié, qui est une personne qui appartient à un syndicat et qui seront disponibles pour t'accompagner dans le cadre de cet entretien-là, pour pas forcément parler à ta place, mais au moins constater ce qui se passe, et s'il y a un truc qui sort du cadre légal, le dire. Dire, vous êtes, là, très cher patron, vous êtes très gentil, mais clairement, ce que vous faites, c'est illégal. Franchement, je pense que c'est un aide non négligeable. Nous, après, on est un syndicat qui n'a pas beaucoup de moyens, donc ce qu'on dit régulièrement aux personnes qui veulent, par exemple, aller au prud'homme ou voire même au pénal pour du harcèlement, c'est on vous donnera des contacts d'avocats, mais si vous avez besoin d'un soutien syndical de long terme, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Enfin, l'argent qu'on a dans nos caisses doit se compter en centaines d'euros, on ne peut rien faire pour vous, quoi. Ok. Et du coup, si t'as pas toi-même directement vécu tous ces harcèlements, etc., au travail, est-ce que tu peux expliquer un peu comment s'est construit justement cette prise de conscience anarchiste ? T'es pas obligé, hein. C'est juste... Pouf. On peut passer cette question. C'est juste... Non, c'est une bonne question parce que c'est très difficile à... C'est une question qui est très difficile, dont il est très difficile de répondre, en fait. Aussi loin que je m'en souvienne, en fait, globalement, les inégalités, ça m'a toujours insupporté. Durant mon existence, j'ai pas forcément été confronté personnellement à beaucoup d'inégalités, de par plein de choses liées à mon parcours perso, mais constater les inégalités partout, ça m'a toujours insupporté. Je me rappelle quand j'étais très très petite. Je saurais pas dire, mais en gros, j'ai encore le souvenir, donc ça veut dire que j'avais au moins plus de 6 ans, parce que mes souvenirs en dessous de 6 ans, c'est fini, quoi. Ils ont disparu. Je me demande pourquoi. Je me souviens, un jour, on était en vacances avec mes parents, et mes parents m'avaient filé un... C'était peut-être même encore des francs à l'époque. Désolé les personnes jeunes qui écoutent ce podcast, mais non, des francs. Je crois qu'ils m'avaient filé un billet de 20 balles, de 20 francs. Dire voilà, tu veux t'acheter des bonbons ou faire un truc, etc. La première chose que j'ai faite avec le billet de 20 francs, c'est il y a un sans-abri là, il a un chapeau, je vais mettre le billet de 20 francs dans son chapeau. Mes parents ont répondu non et j'ai répondu pourquoi. Voilà, ça commence pas bien. Quand, si à 6 ans tu commences comme ça, la suite est pas. A priori, la suite va aller un peu dans le même sens. Et bah, en fait, ça. Je saurais pas l'expliquer, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. Ça me saoule. Enfin. Voilà. Mais l'anarchisme, tu l'as mis en mots tôt ou c'est venu après enfin, parce que de je suis saoulée des inégalités à je suis anarchiste, il y a quand même, enfin tout le monde ne va pas genre aussi. Oui, il y a plein de personnes qui ont des étapes intermédiaires entre ou qui s'arrêtent à des étapes intermédiaires comme le Parti socialiste ou le communisme. Pourquoi pas ? Ce que vous voulez. Moi, en fait, j'ai sauté les étapes intermédiaires. Je suis passé de « les inégalités me saoulent » à, pour beaucoup de personnes de ma génération, un gros déclic, une grosse paf dans la gueule. Ça a été quand même Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Mm. Il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont fait « ah, ok, très bien, bon, ce pays est un pays de fascistes, super ». Et c'est à peu près à ce moment-là où je suis passé de « les inégalités, ça me saoule » à « ok, très bien, je vais fréquenter les milieux anarchistes, les squats et les concerts de punk ». J'avoue que c'est un peu un grand écart. C'est... Bon, tout le monde ne fait pas ce parcours-là en moins d'un an. Mais moi, ça s'est passé comme ça, parce que, en fait, c'est complètement le hasard des rencontres. J'aurais pu, au hasard, rencontrer je sais pas quel syndicat lycéen ou étudiant qui... avant, aurait pu me faire passer par je sais pas quelle partie, etc. Je serais peut-être arrivé au même point. Je serais peut-être arrivé à ok, vos machins autoritaires, votre centralisme démocratique, ça me saoule. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de démocratie directe, d'esprit libertaire et d'anarchie. Ou j'aurais pu m'arrêter en plein milieu. En fait, j'en sais rien. On refait pas le passé, quoi. Mais moi, à ce moment-là, clairement, ce qui me convenait, c'était au constat des inégalités, des oppressions que je vois au quotidien mais que je ne subis pas, j'ai besoin d'une réponse forte. Mmh. Et la seule réponse forte que j'ai trouvée, qui peut être considérée maintenant aujourd'hui, parce que j'avais 15 ans, qui peut maintenant être considérée, même moi-même, je peux avoir ce regard-là qui est quand même très « ok, je vais être dans la posture radicale », c'est-à-dire je vais prendre le truc le plus radical qui existe parce que ça a l'air trop cool. Écoute, c'est comme ça. Avec les années, tu peux penser que c'est à peu près ça. Mais c'était pas forcément un rejet de. On dit souvent des adolescents ou adolescentes un peu dans ce format-là. Je vais aller dans les trucs radicaux parce que c'est radical et que c'est super. Ce côté, je provoque l'autorité. J'avais pas de problème avec l'autorité, moi. J'avais un problème avec l'autorité que d'autres subissaient et les inégalités que d'autres subissaient parce que moi, j'en subissais pas. Donc. C'était pas mon problème, c'était un problème social, c'était un regard social que j'avais, pas un regard perso. Et là, par le jeu des rencontres, en fait, la première porte que j'ai franchie dans le monde politique, c'était celle qu'il me fallait, quoi. J'ai jamais trop cherché à... Enfin, si, ça m'est arrivé de réfléchir à... Est-ce que si j'étais un peu plus modéré ou un peu plus dans le... Je sais pas... Peut-être au NPA ou au PCF. Bon, pas au PS quand même, faut pas exagérer. Est-ce que je trouverais pas plus de sens à mon combat militant? Et enfin, je veux dire, ce questionnement reste généralement pas plus de 5 minutes pour arriver à la réponse de « Mais non, mais je pourrais jamais fonctionner dans une orga pareille. C'est pas possible. C'est contraire à tout ce que je crois et à tout ce que je vis. Donc non, c'est pas possible. » Ok. Genre c'est quoi, tu parlais du coup, c'est... de centralisme démocratique, etc. C'est à tout ça que tu te réfères, genre quand tu parles des organisations, des modes d'organisation qui te conviennent pas, c'est ça? Ok. Globalement, j'ai beaucoup de mal avec n'importe quelle structure ou entité qui va décider à la place des autres, quoi. C'est quelque chose qui me saoule très régulièrement, que je peux retrouver aussi des fois dans les organisations anarchistes ou communistes libertaires. Il y a aussi des fois des tendances à dire ces personnes ont été mandatées donc elles vont décider pour nous. Non, on se réunit, on tombe sur une position commune et les personnes mandatées elles vont porter la position, mais non, elles vont pas décider pour nous. Enfin, à quel moment je suis d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec le vote et la démocratie telle qu'elle existe dans ce pays, c'est pas pour la revivre dans mon organisation politique ou syndicale, ça a aucun sens. Du coup, comment tu fais pour survivre au taf? Comment je fais? Parce que tu dois ta hiérarchie, t'as de l'autorité. Comment je fais? Je vis des burn-out. Au bout de 10 ans de bons et loyaux services, je suis quand même arrivé par crois que j'ai été arrêté il y a 2 ans. J'étais arrêté pendant 6 mois, je crois, pour dépression sévère et burn-out. Donc clairement, comment j'y arrive? Bah, au bout d'un moment, j'y arrivais plus. Donc je suis parti et je suis revenu. En fait, la survie au travail, quand on subit la pression de la hiérarchie, les ordres contradictoires, tous les « il faut faire ça, il faut faire ça, c'est urgent, c'est pour demain », puis une heure après, ton chef vient te voir pour te dire « ouais, mais en fait, il faut faire ça, c'est urgent, c'est pour hier ». Oui, mais enfin, je peux pas faire 2 choses urgentes en même temps, ça marche pas, c'est pas assez compliqué. Avant, j'essayais de... Avant mon épisode dépressif sévère, j'essayais de me faire croire à moi-même que je pouvais passer outre. C'est-à-dire, ça ne m'atteint pas. Bon, en fait, si. Et aujourd'hui, comment je fais, c'est... maintenant, aujourd'hui, je sais repérer les signaux perso. Les alertes perso que peuvent m'envoyer mon cerveau ou voire même mes réactions corporelles sur qu'il y a quelque chose au taf qui va pas, et au moindre signal faire ok, très bien, je rentre chez moi. Et c'est une position que j'assume et que je défends des fois aussi auprès de mon chef en lui disant moi j'ai subi un épisode où je ne dirais pas ce que j'ai eu envie de faire, voilà, trigger warning, tout ça. Mais j'ai subi un épisode comme ça. Maintenant, j'ai les outils pour avoir les alertes quand ça revient. Clairement, je ne me ferai pas avoir 2 fois. Au moindre truc, je rentre chez moi. Pour le moment, il ne me dit rien. Bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il ne me dit rien. Après, ça ne m'est pas arrivé non plus énormément... 2 fois. Mais je pense que quand on est au taf, si on a la possibilité de se préserver sans risquer de perdre sa place, évidemment, à un moment, quand dans la balance tu mets d'un côté ta santé mentale et de l'autre côté ton travail, des fois, tu peux pas, parce que c'est contradictoire. C'est ok, si je préserve ma santé mentale, je perds mon taf. Si je préserve mon taf, je perds ma santé mentale. Ouais, bon, compliqué. Moi, ma solution, c'est ça pour le moment. C'est que, au moins au niveau de mon travail, il y a des trucs qui me saoulent, comme n'importe quelle personne qui vit le salariat dans ce pays. Et il y a des fonctionnements totalement insupportables de, tu vois, tout ce qui est stratégie d'entreprise. Stratégie à 10 ans, gna gna gna, tant d'effectifs, il faut faire tant d'économies. Avant, littéralement, quelques temps avant mon burn-out, ça m'a physiquement insupporté. Ça m'arrivait très régulièrement, soit de partir de chez moi, soit de rentrer chez moi avec la nausée. De me dire, je participe à ça. Enfin, comment je peux participer à ça, en fait? À quel moment c'est possible que je participe à cette mascarade, quoi? Ce truc de, on te demande de faire des économies. Mais on a lâché je sais pas combien de centaines de milliers d'euros dans une entreprise qui nous fournit des merveilleux outils de sécurité informatique et qui fournit en même temps les mêmes outils à Bachar al-Assad. Et puis après ce qui m'est arrivé, je suis arrivé à la conclusion un peu terre à terre de oui, enfin, c'est comme ça partout, c'est le salariat, c'est comme ça, c'est le capitalisme, donc soit je vis encore dedans et je m'accommode des inconvénients et je ne pourrais pas changer ce fonctionnement moi avec mes petits bras. Je suis simple informaticienne dans mon coin, je ne suis pas directrice de je sais pas quelle direction de finance ou de je sais pas quoi. J'ai pas les clés pour faire changer cet état de fait. Donc si j'ai pas les clés, et clairement j'ai pas envie de les avoir, je fais plus ou moins avec, je fais mon taf dans mon coin en limitant la casse, quoi. Et dans tout cet épisode là, les RH t'ont soutenu aussi ou quand t'étais en burn-out? Non, parce que les RH n'étaient pas au courant. Les RH et la direction ont été au courant de pourquoi j'étais absente pendant 6 mois quand je suis revenue. c'est qu'en gros, mon directeur, qui est adorable, on t'aime, tout ça, la première chose qu'il a fait quand je suis revenu, c'est... il s'est dit, ce serait bien que tu viennes dans mon bureau pour qu'on discute, machin, de ce que tu veux faire, tout ça. Donc, clairement, je lui ai dit, ok, très bien, on y va. Alors ça, je ne veux plus faire. Ça, c'est fini. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Trouvez-moi un autre poste, mais ça, c'est fini. Voilà, ça, j'en veux plus. Et mon directeur, qui connaît très bien les textes de loi, m'a posé des questions pour savoir pourquoi j'ai été absente. Quelle était la raison de ton absence de 6 mois? Donc, je lui ai dit, j'ai été... absente pour raison de santé personnelle prolongée. En gros, ce qu'il voulait savoir, c'est que est-ce que c'était à cause du taf. Et là, tu rentres dans une posture où peut-être que si je lui dis, ça va aider d'autres personnes après, ou en gros, peut-être que ce merveilleux directeur, illuminé par une fougue altruiste, va se dire, ok, donc j'ai bien repéré pourquoi Gaëlle était pas bien, et du coup, si jamais je vois ça chez une autre personne, je ferai plus attention. Soit tu pars du principe que on n'a pas à te demander les raisons de tes absences médicales à ton taf, et tu dis non, ce que vous me demandez est illégal, donc je ne répondrai pas. Moi, j'ai décidé à cette époque-là de répondre et de dire voilà, je suis parti pendant 6 mois parce que clairement, le taf, j'en pouvais plus, et il y a une petite, aussi une infime partie de mon perso où j'en pouvais plus. Ce qui a un petit peu amené le bonjour 2 ans après, salut, je fais mon coming out, je transitionne. Mais clairement, mon idée c'était, je sais que je suis pas la seule à vivre ça dans mon service, je sais qu'il y a eu d'autres personnes avant moi, je sais qu'il y en aura d'autres après, et si à un moment les RH, la direction, enfin le directeur, au pire, il peut masquer ça dans un coin. Mais si en plus la RH est au courant, etc., et que t'es la 10e, 15e, 20e personne à partir en arrêt longue maladie pour dépression sévère ou burn-out à cause de ton taf, peut-être qu'il se passera rien. Mais peut-être qu'il se passera quelque chose. Et peut-être qu'à un moment, le fonctionnement managérial va changer. J'ai peu d'espoir. Mais ça vaut le coup d'essayer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais lui dire. Je vais lui dire pourquoi j'étais pas là. Okay. Mais du coup, là, tout ça aussi, tu te le permets, enfin, parce que t'as quand même une certaine stabilité. Enfin, je sais pas quel est ton contrat, mais du coup, là, normalement, t'es pas censé bouger de taf. Enfin, tu te projettes et tu te sens assez safe, du coup, à ce niveau-là, sur le long terme. Ouais. Je pense que, alors c'est un truc que toute travailleuse vit, c'est ce côté, je suis quasiment sûr que j'aurai de meilleures conditions de taf ailleurs. Tout le monde pense ça. Moi, il y a quelques temps, j'ai encore remis ça personnellement dans ma tête sur la table en me disant, ce fonctionnement d'entreprise me saoule, est-ce que je trouverais mieux ailleurs? Et la réponse à ma propre question, c'était peut-être, mais est-ce que j'ai vraiment envie de refaire ce cheminement de coming out qui a pris quand même 2 ans? Enfin, mon coming out au taf a pris 2 ans. Est-ce que j'ai vraiment envie de me retaper ça? Au risque que, contrairement à là où je suis actuellement, ça se passe très mal. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance que je perçois et que. Et clairement que je. Pas que je chéris, mais en gros, j'ai une chance que je perçois, c'est mon coming out à mon taf s'est bien passé. Tout le monde accepte ça. Je ne risque pas de me faire virer parce que je suis trans. Est-ce que j'ai vraiment envie de risquer ça pour des meilleures conditions de travail ailleurs, où on me prendra moins la tête sur des trucs super urgents à faire qui sont à faire pour hier? Non, j'ai pas la foi pour ça, vraiment. An army of Furbies that won't stop chanting the Lord's Prayer. A can of rigatoni on the street. going over to a friend's house for a sleepover for the first time, and their dad wants them to pop a cyst on his back, but they're really squeamish and faint, but he's in a lot of pain, so you have to do it. Papa. What's happening? We'll be right back. coup, est-ce que tu peux résumer, enfin, c'est quoi ta vision et ton rapport au travail? En fait, c'est ça me dérange toujours de me plaindre de mon travail, alors que ça fait, je sais pas combien, depuis combien de temps on parle, enfin, un petit bout de temps qu'on parle. En gros, les personnes qui nous écoutent là ont quand même bien compris que, ok, j'ai fait un master d'informatique, je suis dans mon taf depuis 10 ans, c'est-à-dire que je suis en CDI. Me plaindre de mon taf, c'est quand même très facile, je fais de l'informatique en CDI. Enfin, soyons honnêtes, en matière de conditions de travail et rémunération, je pense aujourd'hui, direction, management, tout ça, CAC 40 à part, clairement, on est vraiment les moins à plaindre. Enfin, c'est un métier qui est super demandé et qui est bien payé. Pourquoi je me plains, en fait? Je pense que j'ai bien expliqué pourquoi je me plaignais. C'est que, ok, on est peut-être bien payé et c'est très demandé, mais comme dans toute boîte, c'est... Enfin, comme dans toute boîte. Comme le capitalisme le veut, le but, quand même, à un moment in fine, c'est de faire des économies pour que les plus riches aient plus de fric et que nous, on ait moins de fric. Je me plains de ça, en fait. Je me plains de... comme d'habitude, les économies sur les salaires ou les recrutements font que on fait plus de boulot, on le fait mal, il est bâclé, on nous fout la pression et c'est globalement très très insupportable. Et je ne sais plus quelle était ta question. Bah, du coup, oui, quel est ton rapport au travail, enfin ta vision du travail même de manière générale du coup. Bah voilà, en gros, moi ma vision c'est le travail que j'ai actuellement m'apporte largement la stabilité financière qu'il me faut pour vivre pour vivre sans réfléchir à d'éventuels soucis. C'est-à-dire que là actuellement ça parle beaucoup de les prix de l'énergie explosent, les prix de l'alimentation explosent. Je sais que j'ai des camarades à mon syndicat, voire même des personnes qui viennent à mon syndicat, qui sont en train de se dire, ok, peut-être que cet hiver je vais devoir faire soit ne pas chauffer mon appart, soit manger, soit dans l'autre sens. Et moi j'ai pas ce problème. Donc la vision que j'ai de mon travail c'est ça, c'est il m'apporte une sécurité financière, mais il m'apporte rien de plus que ça. Enfin, clairement je ne m'épanouis absolument pas dans mon taf, ce n'est pas passionnant. Si on prend ça sur des aspects politiques, comment dire, quand j'y suis rentré et pourquoi j'ai voulu y rester, c'est parce que c'est pour moi c'était de la protection sociale et que bon, c'est que malheureusement on décide pas. Même les organismes qui sont censés être indépendants en matière de gestion de leur trésorerie ne peuvent même plus décider et c'est l'État et en fait c'est juste Macron qui décide. Aujourd'hui clairement. Les choses aberrantes de il y a du fric qui est investi dans des trucs qui puent, mais pff, tout le monde le sait et clairement ça m'insupporte, mais je pense que ça insupporte tout le monde, je suis pas une exception à la règle. Enfin, j'ose espérer, très chers auditeurs, que apprendre qu'une partie de l'argent qu'on vous doit part dans les actions de Total ou de EDF, j'ose espérer que ça vous inquiète. Sinon, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne radio. Donc voilà, ça je le vois, je le sais, mais je fais en sorte que mentalement ça ne m'atteigne plus. Tous les aspects politiques qui peuvent puer dans le capitalisme et le salariat, j'essaie de faire en sorte mentalement que ça ne m'atteigne pas. Je suis là pour bosser, pour avoir un salaire à la fin qui me donne un confort financier clairement agréable. Le reste, je vais dans mon syndicat ou dans mes organes politiques pour lutter contre. Je vais pas lutter à mon taf, ça ne fonctionne plus. Enfin, je pourrais lutter à mon taf dans un syndicat, mais clairement, vu les syndicats qu'il y a à mon taf, autant dire que je vais pas lutter pour grand-chose à part l'augmentation des tickets restaurants. C'est pas passionnant. Mais voilà, le taf, c'est pour la stabilité financière, les convictions politiques et révolutionnaires. C'est pas au taf, parce que... c'est épuisant. Et du coup, en dehors, tu milites pour quel rapport au travail? Pour quel travail? Alors, je milite pour la fin du salariat, déjà, parce que ce système est à chier. Donc, la fin du capitalisme avec la fin du salariat, ce qui va un peu de pair. Enfin, J'ai jamais réussi à imaginer une société non capitaliste avec du salariat. Je sais pas comment ça pourrait marcher. Une société capitaliste sans salariat, clairement, ça... Oui. Bonjour Uber. Ça existe, pas de problème. En gros, moi, mes convictions, c'est que ce serait quand même beaucoup plus efficace. Je parle de protection sociale, en l'occurrence. Mais c'est vrai pour n'importe quel secteur... je sais pas comment dire, du travail. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace si on demandait aux travailleuses comment gérer le machin. Qui sont les personnes les plus à même de savoir comment bien gérer leur travail, le contenu, le temps de travail et ce qu'on doit produire à la fin? C'est quand même les personnes qui bossent. Le directeur avec sa cravate dans son grand bureau, il est gentil, mais je pense qu'il sait pas grand chose du quotidien des travailleuses, quoi. Moi, mon horizon, donc, du coup, il est débarrassé de tout ce qui est le but d'une entreprise, c'est de se faire du fric. Non. Non, a priori, non. Le but d'une entreprise, si on peut imaginer garder ce terme, c'est d'apporter un service qui rend service à la population au plus grand nombre par solidarité. On va pas arrêter dans le processus révolutionnaire, on va pas arrêter les chaînes de production de l'insuline. Sinon, il y a des gens qui vont mourir, en fait. Donc, l'idée est là. C'est tout ce qui est inutile et qui ne sert qu'à produire du capital, on dégage. Ça ne sert à rien. Et tout ce qui est utile, entre guillemets, et qui sert au bien commun, aux personnes à pouvoir se nourrir, se loger, avoir accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à tout ce que tu veux, gratuitement et sans condition, ça, ok. Donc, globalement, je pense que mon métier est inutile. Oui, c'est ce que... que j'allais venir, parce que si demain on fait une insurrection, puis ça part en révolution, on arrive à ça, genre toi tu t'arrêtes l'informatique définitivement et tu fais quoi? Alors clairement oui, c'est salut de chaud les nazes, sauf s'il y a besoin que je fasse un truc ponctuellement pour je sais pas, peu importe quoi. Je pense qu'il y aura éventuellement encore besoin d'informatique, juste au moins pour tout ce qui est administratif. Oui, peut-être. Même si ça reste genre un truc hyper polluant, tout ça, mais je pense pas qu'on s'en défasse comme ça. Ouais, ça passe. On peut revenir en arrière et au tout papier. Hein. Il va falloir beaucoup de bras. En tout cas, il y aura plus de chômage. En même temps, il y aura plus de capitalisme. Donc je vois pas pourquoi il y aurait du chômage, puisqu'il y aura plus de capitalisme. Où est-ce que... Voilà. Oui, et du coup, tu veux faire quoi? Tu ferais quoi? Ouais. Deux options. Soit faire quelque chose très très utile à la collectivité, à la population. Donc ça peut être de l'ordre du... je sais pas... infirmière. Mm-hmm. Soignante. Des trucs comme ça. Des trucs vraiment où... a priori, il y en a un peu besoin. Je pense qu'il y a un petit peu besoin d'être soignante. Un petit peu. Tu te sentirais de repartir, de te former et tout, et de faire ça? Ouais. Okay. Ça, c'est le côté, ok, il y a vraiment besoin de bras pour arriver à un idéal libertaire, communiste libertaire. Y a besoin de bras pour nourrir, soigner, éduquer, ou tout ce qu'on veut, les personnes qui vivent dans le même espace géographique que nous. Soit il n'y a pas besoin, et dans ce cas-là, je pourrais éventuellement m'adonner à un truc que j'aurais envie de faire juste parce que j'ai envie et pas parce qu'il y a besoin. Et là, le champ est large. Mm. Ça tourne souvent autour de ok, j'ouvre un café. Non, j'ouvre une librairie. Non, j'ouvre une librairie café. Non, j'ouvre une librairie café où il y a aussi concert. Non, j'ouvre une librairie café où il y a salle de concert et où on peut aussi faire des conférences. Mm. Bref, des trucs dans le domaine de la culture, en gros. Mm-mm. Du coup, tu penses que tu les feras jamais? T'attends la révolution pour le faire ou pas? Et donc, du coup, je le ferai jamais. Non, je sais pas. C'est la question. J'essaie de faire des petits bouts de trucs qui me plaisent en dehors de mon temps de travail. Ok. Quand le militantisme et la lutte ne me prend pas tout mon temps, ce qui est un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours un truc sur lequel il faut lutter. Hein. Je pourrais passer mes semaines, tous les soirs et tous mes week-ends à aller dans des réunions militantes, manifestations, rassemblements. Je pourrais faire ça tout le temps. Mais à un moment, je suis bien de s'autoriser à faire des trucs pour soi. Et les trucs pour moi en ce moment, c'est par exemple la photo. Je me suis remise à faire de la photo. J'avais pas fait de photo depuis presque 10 ans. En fait, à la base, j'ai une formation. Avant de faire de l'informatique, j'ai fait un peu de cinéma et de photo. J'ai pas pu continuer parce que les gens voulaient pas de moi, parce que j'étais trop nul, je pense. Mais en tout cas, j'ai une formation de base. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et là, je m'y suis remis il y a pas longtemps. Photos, paysages, portraits, manifs. En ce moment, beaucoup de photos de mon chat. Ouais. Mais je me suis pas. Pour le moment, je me suis pas donné de spécialisation dans le domaine de la photo. J'essaie de faire un peu de tout. Modulo, je pense que le paysage, juste pour le paysage, ça me ferait chier. Par exemple, les dernières photos que j'ai faites, je suis parti avec un camarade, pas de mon syndicat, mais d'une orga politique dans laquelle je suis. Je suis parti prendre des photos de paysage. Oui, enfin, c'était quand même le paysage de forêt brûlée. L'idée, c'était de documenter ça. C'était de prendre une trace photographique des incendies qu'il y a eu en Gironde cet été et éventuellement d'alimenter... des articles pour mon organe politique ou mon syndicat ou des trucs comme ça. Un peu de l'illustration, quoi. Du paysage pour du paysage, c'est... Ouais, c'est très joli. Oui, mais... Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou pas ? Pareil, tu vois, le portrait pour le portrait, enfin... Très égotrip, quoi. Super, quoi. Enfin, je vais prendre en photo quelqu'un que je ne connais pas. Que je vais sûrement d'ailleurs devoir payer pour que cette personne vienne et accepte de se faire tirer le portrait. Super génial. Je préfère demander à... je sais pas moi... Tu vois, on pourrait prendre un exemple de... On est en train de faire une manif, j'ai mon appareil photo et je demande à des camarades s'ils sont OK que je prenne leur portrait pendant la manif. Ça raconte quelque chose. Un camarade qui tient un drapeau dans une manif. Plus que je fais venir quelqu'un, et puis on fait une belle lumière tamisée, et puis j'ai le temps, et puis je pose la lumière comme je veux, et puis attention, je mets... ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, raconter, ou je sais pas, dans tes projections, qu'elles soient personnelles, révolutionnaires, ou de partage, de conseils, peu importe. Alors déjà un conseil, c'est si jamais un conseil déjà, c'est si vous ne vous sentez pas de faire un coming out au taf, ne le faites pas. Vous n'avez pas d'obligation à faire un coming out. Après, ça dépend aussi de votre propre parcours, votre parcours de transition, etc. Mais si à un moment vous ne le sentez pas, personne n'a vous obligé à le faire. Si vous voulez le faire, je sais pas, contacter des assos, des collectifs qui pourront sûrement vous aider sur le planning, mais en gros le déroulé de comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible sans avoir trop d'emmerdes. Je pense que c'est pas une bonne idée d'y aller seul, mais après si vous super en confiance, rien à péter, je fais mon coming out complètement seul, je demande l'avis de personne et je demande des conseils à personne, allez-y. Hein. Si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Si ça se passe mal, bop. Après, organisez-vous. Syndiquez-vous. N'oubliez pas de vous syndiquer auprès du syndicat de votre choix. Je ne fais pas de propagande pour mon propre syndicat. Allez dans le syndicat que vous voulez. Ah, une question justement à ce propos. Est-ce que pour les étudiantes, il y a possibilité de venir dans ton syndicat ? Je pense notamment aux étudiantes en médecine, médecine, infirmiers, etc., qui prennent bien cher. Voilà. La partie étudiante, en fait, c'est toujours un peu... Le rapport du syndicalisme au milieu étudiant est toujours un petit peu, pas compliqué, mais c'est... De par le fonctionnement d'un syndicat qui est un regroupement de travailleurs et de travailleuses, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que légalement, on ne peut pas vraiment défendre des étudiants et étudiantes en tant que syndicat si ces personnes ont un problème à la fac. Mmh. Si ces personnes ont un problème à leur taf, en dehors de la fac, nos sous-sailles. Sur le lieu de stage, du coup. Pourquoi j'ai dit nos sous-sailles ? Ça se dit plus depuis 20 ans. Ok. C'est comme voilà. Radical. Radical, c'est ça. C'est, voilà, c'est comme les lieux de stage, comme tu dis. Mmh. Éventuellement se rapprocher, oui. Sur les lieux de stage, du coup, c'est possible. Ouais. Okay. Éventuellement, soit se rapprocher d'une asso étudiante, celle de votre préférence. Il y en a qui sont très bien, d'autres que je ne recommande pas. Sinon, il y a des syndicats, oui, qui peuvent avoir des sections entre guillemets étudiants-étudiantes, donc en gros rattachés à un syndicat. Soit de l'enseignement, soit d'enseignement supérieur et de la recherche, etc. Je pense qu'il ne faut pas... Ça peut être une bonne porte d'entrée dans du militantisme syndical, mais il ne faut pas espérer grand-chose en matière de... d'action syndicale. Okay. Parce que bah, le statut d'étudiant est quand même un statut particulier qui n'a rien à voir avec le statut travailleuse. Quoi. Mm. Mais oui, tous les syndicats accueillent des étudiants et étudiantes. Hein. Toi, tous, sans exception. Ok. C'est plus de l'accompagnement en conseil, etc., que de mener des vraies démarches quoi, qui peuvent aboutir sur le long terme. Ouais. Ok. Et oui, du coup, tu disais pour les conseils sur le coming out, ne pas y aller seul, tout ça. Est-ce que, par exemple, tu conseilles aussi d'enregistrer l'entretien A priori, si vous le faites, faites en sorte que ça ne se sache pas, parce que c'est illégal. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Que ce soit au travail ou ailleurs, vous n'avez jamais le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Donc, si vous le faites, faites en sorte que ça ne se voit pas. Après, il faut savoir que aucun tribunal, aucune cour n'acceptera ça comme une preuve. C'est jamais une preuve, un enregistrement. Surtout sans que la personne le sache, et en plus audio. Un tribunal va dire « Ok, super, c'est pas une preuve. » Les tribunaux aiment beaucoup les écrits, pas trop les enregistrements ou des trucs comme ça. Okay. Les employeurs le savent, hein, c'est pour ça qu'ils écrivent jamais leurs insultes. C'est pas pour rien qu'ils écrivent pas, quoi. Oui, du coup, ça servirait surtout, par exemple, d'un point de vue médiatique. Enfin, d'enregistrer, parce que sinon, je vois pas trop... Enfin, à part le faire sortir... Ça peut, mais dans le cas d'une entreprise, ça peut être considéré comme soit diffamation, soit atteinte à l'image de l'entreprise. Mm. Donc après, enfin... Faire sortir ça dans le domaine public, envoyer ça à des journalistes, etc., qui vont le publier, c'est s'exposer à un procès bâillon bien vénère. Mm. Faut le savoir. Et est-ce que tu as des contacts du coup d'asso ou de personnes ou collectifs vers lesquels se tourner pour avoir plus de ressources encore ? Il y a deux solutions. C'est en fonction de là où vous bossez. Si vous avez des syndicats pas trop dégueux, vous pouvez tenter les syndicats de votre boîte. Mmh. Quand je dis pas trop dégueux, c'est ne tentez pas l'UNSA ou la CFTC, quoi. C'est pas des syndicats, ça. Normalement, la CGT et Solidaires, ils sont censés avoir des formations et des chartes sur ces sujets et savoir défendre les personnes LGBTI au travail. Donc, non, ils doivent pouvoir se démerder. Si c'est pas possible à votre taf, franchement, les assos LGBTI de votre ville, okay. Qui pourront pas forcément faire grand chose en matière de défense au niveau du travail, mais qui pourront au moins vous accompagner sur est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, ce genre de truc. Ok, bah merci. Enfin, je sais pas si t'as un mot de la fin ou encore des conseils de, ou par exemple de lecture, vu que tu disais que tu lisais beaucoup, des choses comme ça. Lecture sur ce sur ce sujet bien précis, clairement j'ai pas de lecture précise, j'ai pas de biblio sur coming out LGBTI au taf. Je sais pas si quelqu'un a déjà écrit sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, manifestez-vous et écrivez. Allez-y, moi je ne fais pas, j'ai pas le temps, je sais pas écrire de toute façon. Mais dans même tes lectures là dernièrement. Moi clairement un livre qui m'a beaucoup aidé à la fois dans mon parcours perso et dans mon parcours politique lié à ma transition, c'est Le Manifeste d'une femme trans de Julia Serrano. franchement, si vous pouvez le... Si vous êtes concerné par la transmisogynie et si vous êtes une meuf trans, franchement, lisez-le. Ça va vous blinder sur pas mal de trucs de... ok, comment repérer ci, comment repérer ça, à quel point c'est, ça n'a aucun sens, etc. Est-ce que... Ah oui, tu m'avais demandé... alors, ta lecture s'est faite et tu m'avais demandé est-ce que j'avais quelque chose à rajouter. Ouais. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Organisez-vous, syndiquez-vous, ne restez pas seul. Bravo les lesbiennes. Voilà, c'est très important. Les lesbiennes au taf aussi. Bravo les lesbiennes au taf. Organiser des collectifs lesbiens au travail, je pense que je serai complètement seule. Bah, merci beaucoup Gaëlle et puis bah, bonne continuation et on se revoit pour la révolution. À très vite. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.